Radiomatique. You thought you were free back then. C'est sur la musique de l'ensemble mené par la percussionniste Bex Birch que s'ouvrait la transmission 470 d'Audiomatique. De son premier et unique album intitulé There Is Only Love and Fear, paru en octobre 2023, nous entendions la composition You Thought You Were Free. Et maintenant, c'est au tour du projet anglais Forest Swords d'assurer la continuité à Audiomatique. Thank you. Jefferson. Is it your forest God of thunder, the mighty tour? Thanks for your reward as the forest sword and the forest God with the forest words. Love ya. Thank you. nous avions droit à Audiomatic au groupe belge Front 242 de son sixième album studio Fuck Up Evil paru en 1993. Nous vous avons présenté la pièce Scrappage. Précédemment à Front 242, c'était l'artiste anglais Matthew Edward Barnes qui crée musicalement sous le pseudonyme Forest Swords. De son troisième album Bolted, sorti le 20 octobre 2023, nous entendions la pièce Line Gone Cold. Allons-y maintenant avec le projet slovaque Oxid. Thank you. Hurricane Hermine, which has devastated 5 Caribbean islands and is heading for Vice City. More updates soon. À Audiomatic, nous venons d'entendre le duo équatorien Sexores et sa pièce When I'm in Your Eyes, tirée de l'album East West, paru en 2018. Avant Sexores, c'était le projet danois Delayscape et sa pièce DPS V55M qu'on retrouve sur l'album Standard by Six, sorti en 2022. Et pour amorcer la séquence musicale, c'était le projet Oxide qui nous offrait la pièce Sunlights, tirée de l'album Larva, publié en 2007. À Audiomatic, nous poursuivons cette fois avec la formation sud-africaine Terminal. We'll be right back. C'était Audiomatic, le projet américain Motion Worker, mené par Adam Dorn, qui nous offrait la pièce Shout Chorus, extraite de son plus récent album Boombox, lancé le 27 octobre 2023. Tout juste avant Motion Worker, il s'agissait de la collaboration entre Lal Tolhurst, ex-batteur du groupe The Cure, Peter Edward Clark, mieux connu sous son surnom de Budgie et qui était batteur de la formation Susie and the Banshees, et le réalisateur artistique et ingénieur du son irlandais Jackknife Lee. Ils ont fait paraître le 3 novembre 2023 l'album Los Angeles, duquel nous avons écouté la pièce Noche Oscura, à laquelle participe le guitariste de U2, The Edge. Et pour débuter, le groupe sud-africain Terminal se faisait entendre avec la pièce-titre de son deuxième album, The New Republic, qui est sorti le 25 août 2023. Nous allons conclure cette transmission d'Audiomatic sur la musique du projet Dead When I Found Her. La pièce Mirrors apparaît sur le deuxième album intitulé Ragdoll Blues, publié en 2012. Nous vous donnons bien sûr rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour une autre transmission d'Audiomatic. Soyez attentifs au contenu que nous publions sur nos plateformes et sur facebook.com/audiomatic.cfou si jamais vous êtes intéressé à entendre ou même réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Voici donc, pour terminer, Dead When I Found Her et sa composition Mirrors. C'était Audiomatic avec les Sonoristes. There's no such thing as a good influence, Mr. Gray. All influence is immoral. Why? Because the aim of life is self-development. Realize one's nature perfectly. That's what we're here for. A man should live out his life fully and completely. Give form to every feeling, expression to every thought, reality to every dream. I suffered immensely, and it passed away. I cannot repeat emotion. No one can. melody is form to every feeling, expression to every thought. Beyond nature, beyond reason.